Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici la suite d'une série de trois émissions consacrées à quelques grandes révolutions créatrices. Après le surréalisme et le mouvement punk, place à l'afterpunk. Dans la langue de Molière, afterpunk désigne ce qui est donc venu après l'explosion du rock binaire de la fin des années 70, de la cold wave au post-punk. Le slogan No Future était donc trompeur. Les Sex Pistols et autres Clash ont bel et bien engendré une descendance pléthorique, peut-être moins énervée, mais en tout cas tout aussi créative que ses aînés. Parmi ces groupes, citons Public Image Limited, Devo, Siouxsie and the Banshees. Cette nuit magnétique d'Alain Weinstein donne la parole à quelques grands témoins de cette époque, Patrick Oedlin, Zip Zinc du groupe Metal Urbain et Jean-Pierre Lantin, qui nous raconte la destinée de cette génération. Nuit magnétique. Bonsoir. Bonsoir. Boire le son et voir avec du son. Du son peut-être pour voir dans le noir. Noir du son qui sature. Rature les blancs du silence que vous ne pouvez boire. Ceci est la présentation du son qui se présente lui-même comme présentation d'un autre son. L'autre son, les autres sons, les sons noirs de l'afterpunk, ou plutôt les musiques dont la présentation a été possible après, grâce ou à cause du punk. Punk présenté mardi dernier dans le même blanc des nuits magnétiques. Ce son, ces sons, sont ici présentés par Catherine Lagarde et Mehdi Eladj. Mais cette présentation elle-même est un autre son, qu'il s'agit à nouveau de présenter. À l'évidence, ce qui vous est ici présenté n'est plus le son de ce groupe de l'afterpunk, de ces nouveaux groupes qui seraient ici reproduits, mais c'est le son coupé, distendu, haché, mâché, bu. Boire le son, bonsoir. En un mot, le son produit, par Catherine Lagarde et Mehdi Eladj. Au début, les Pistols, je veux dire, dedans, il n'y en avait pratiquement pas qui savaient vraiment jouer. Bon, je suis sûre qu'il n'y en a aucun qui avait pris de cours. Bon, ils avaient vaguement gratouillé ensemble. Ils sortaient quelque chose de vraiment assez minable, question de technique musicale. Bon, bah maintenant, Ecstasy, Devo ou n'importe quoi, c'est très, très élaboré, très travaillé. Bon, ça va au quart de poil, ça s'arrête comme il faut. Ce sont vraiment des très, très bons musiciens. Bon, c'est un peu la reconstruction par rapport aux vieux accords complètement débiles du début du punk. Là, c'est au contraire très précis, très bien fait, parfait, etc. « My sax waits for me like a mongrel waits downwind on a tightrope leash. My sax is a fragile acrobat. Sometimes I'm an overcane shot, sometimes I'm an automat. My sax is often solo, sometimes it short circuits then sometimes it's a golden glow. My sax is invested in suburban photographs, skyscraper shadows on a car crash overpass. Les envahisseurs ont entamé le travail de nettoyage par le vide, décapant jusqu'à l'os le rock des années 70 et préparant le terrain pour celui des années 80 qui se jouera dans les cerveaux. Rock synthétisé, verre et acier. Froissement de métal sur rythme concassé. Romance radioactive en noir et blanc. L'afterpunk est en marche. L'afterpunk glisse, lisse au ras de la peau. Son ronronnement électrique avale tous les clichés collés à vos joues. L'afterpunk est une nouvelle lotion pour votre futur. It wears no future faces, owns just random gender. My sex has a wanting wardrobe. I still explore of all the bodies I knew and those I want to know. My sex is a spark of electro flesh, leased from the tick of time and geared for synchro mesh. My sex is an image lost in faded films. A neon outline on a high-rise overspill. Punk rock, novo rock, metal rock, plastic pop, new wave, novo spleen, afterpunk. Les termes ne manquent pas. Musique issue du punk ou en réaction. Musique révélée grâce au punk. Nouvelle musique industrielle. La musique a un rapport au réel et l'amplifie. La punk musique égale les volumes sonores et jeux hachés répétitifs. L'afterpunk détruit la musique par la musique. Collages musicaux, coupures, ruptures, rythmes cassés, destruction de la mélodie. On joue avec les sons non harmoniques. Deux grandes tendances se dessinent. Cristallisation de la violence minimale ou sophistication au deuxième degré. Le fond commun reste le rock'n'roll. Metal, Machine, Music, Composition instrumentale électronique, Lou Reed, 1975. Urbain, c'est assez marrant parce qu'au départ, on n'était pas du tout dans le trip punk. On avait écouté Metal Machine Music avec Eric Desbris et on a cherché à monter un groupe, si tu veux, entièrement synthé, complètement synthétique. Pour certains, c'était une adoration du béton pratiquement, et puis pour d'autres, c'était un rejet total. Et disons que c'était tellement urgent à ce moment-là qu'on s'est mis ensemble pour s'exprimer, si tu veux. Et au départ, on a eu des copains, bon, il y avait des mecs d'asphalte, il y avait des rockers un petit peu dans le trip punk. Et nous, on n'était pas du tout dans le trip punk, on connaissait pratiquement pas ça. Enfin, on avait entendu parler par quelques journaux, par quelques trucs comme ça. C'était en 75-76, l'hiver janvier 76, quoi, pratiquement. Et on est passé sur scène au Gold Trou. En faisant de la musique complètement synthétique. Il y avait une guitare qui passait dans un synthétiseur, un chanteur qui passait dans un synthétiseur et deux synthétiseurs, c'est tout. Donc j'ai eu une formation complètement, complètement inconcevable pour faire du rock'n'roll. Et nous, on avait, au départ, c'était un pari pratiquement, c'était de faire du rock'n'roll sans les instruments conventionnels pour essayer de sortir de le rock'n'roll de... du cycle, si tu veux, perpétuel dans lequel il tourne. Zip-zinc, métal urbain. C'est-à-dire toujours cette formation classique, batteur, bassiste, guitariste, chanteur, et puis on n'en sort pas, si tu veux. On voulait sortir, on voulait faire une musique plus moderne, un petit peu. Une espèce de trip orange mécanique. Moins malsain, certainement. Mais, disons, futuriste au départ. C'était de la musique futuriste, simplement. Mais très violente. Cet esprit, si tu veux, le fait d'utiliser des instruments non conventionnels pour faire du rock, et le synthétiseur en particulier, ça partait, si tu veux, d'une idée de départ que le synthétiseur est un instrument programmable. On pouvait prévoir au départ l'utilisation d'un synthétiseur, à la limite par quelqu'un qui n'est pas musicien. Si tu as quelque chose à dire, tu prends un synthé, tu passes peut-être un mois chez toi à programmer ton machin, et puis tu le lis après, tu vois. Parce que je ne crois pas que si tu veux, la spontanéité s'arrête au niveau d'une programmation ou d'une bande magnétique. Une bande magnétique peut être très spontanée, je crois que en musique contemporaine, on l'a bien compris. Ce qui compte, c'est qu'elle ne soit pas seule, cette bande magnétique. Alors, une bande magnétique, à la limite, plus une présence scénique, peut être aussi efficace qu'une formation complète de rock'n'roll. Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid, and he's working in a factory. He's working from 7 to 5. Trying to survive. Volunteer for Frankie. Frankie, Frankie. Frankie Teardrop, les larmes de Frankie. Histoire fleuve d'un homme renvoyé de son usine qui rentre chez lui, tue sa femme et son enfant avant de se suicider. Le fait divers dans tout son réalisme. L'homme-machine version new-yorkaise, schizophrène affolé et tremblé. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food. Frankie's getting evicted. Volunteer for Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Frankie, you're so desperate. He's gonna kill his wife and kid. Frankie's gonna kill his kid. Frankie picked up a gun. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. Frankie, look at his wife. Un groupe comme Suicide tient toute sa force, si tu veux, dans le compromis. Dans l'ambiguïté, si tu veux, qu'il y a entre la voix très humaine du chanteur et l'accompagnement réduit à sa plus simple expression et complètement mécanique, disons, enfin en 78, complètement électrique, complètement électronique, très simple, et la voix complètement déchirante. C'est cette espèce d'opposition qui crée le mouvement, qui crée le rock, quoi. Mais Suicide, c'est New York, bien sûr. C'est une atmosphère. D'ailleurs, le nom suffit à le dire. Enfin, c'est une atmosphère très morbide, très, très malsaine. Jean-Pierre Lantin. Et en même temps, qui est fait par des gens très. Ils sont très naïfs, ils sont très idéalistes, en fait. Cette musique, pour eux, c'est un moyen un peu d'exorciser toute une série de choses, d'angoisses contemporaines. Critique musicale. C'est des utopistes, les Suicide. C'est des saints, à la limite. C'est vraiment, ils ont une mission comme ça, c'est d'être un peu les boucs émissaires de nos fantasmes sur scène. Et puis, ils font ça depuis des années avec une belle constance. À Glasgow, j'ai pris une bouteille de bière dans le nez. Ça s'est mis à saigner une vraie fontaine. Je me suis accrochée et j'ai continué à chanter jusqu'au bout. On a fait un vrai triomphe. Les gens n'en revenaient pas de me voir là sur la scène avec mon nez dégoulinant, ma chemise et ma veste tachée. Alan Vega, chanteur de Suicide. Retour du punk aux États-Unis, mais réemballé version new-yorkaise. Réunis dans un même album, No New York, quatre groupes. Contorsion, Teenage Jesus and Jerks, DNA et Mars. Chemise blanche à col serré, pantalon étroit, chaussures italiennes noires et aiguisées, James Chance, le Teddy Boy, parcourt la scène en longues enjambées. De temps en temps, il mord son micro, crache dans son sax, ou bien, blafard et sinistre, il se plante devant le public, comme un piquet, et lance des regards dédaigneux. Tout à coup, il fond sur les premiers rangs pour distribuer généreusement gifles et coups de poing. Bondit de table en table, renverse tout. Cet adolescent au teint pâle, aux cheveux roux peignés en arrière, Johnny Rotten américain qui méprise cordialement les Anglais au mauvais goût, et James Chance, le leader saxophoniste et chanteur du groupe new-yorkais Les Contorsions. Ils sont anti-tout, haineux, individualistes, méprisants, provocateurs, situationnistes, égocentriques, mégalomanes, paranoïaques, schizophréniques. Brutistes de la normalité et amants du désordre, ils redécouvrent la liberté et le plaisir du pillage, saccagent l'harmonie, se vautrent dans l'autosatisfaction et pataugent avec délice dans leurs propres contradictions. Ils ne veulent porter aucun message, ni délivrer aucune vérité, et laissent à d'autres la conquête stérile des médias. Pierre Job. Chance bave, trépigne et attaque « I can't stand myself »,« Je ne peux pas me supporter » de James Brown, une de ses seules influences avouées. Version traitée à l'acide, saxophone rappeux, guitare glissante, orgue gluant. Chance a trouvé un truc. Il se transforme à l'occasion en James White, pour pousser quelques vieilles rengaines soul. Le stratagème permet à notre double héros de multiplier par deux ses rentrées monétaires en touchant deux publics complètement différents. C'est la musique de deux gens qui sont prêts à beaucoup de choses, enfin bon, et qui en même temps, d'ailleurs, curieusement, rêvent du succès, rêvent de devenir des groupes, des pop stars. Je veux dire, tout le monde rêve de devenir des pop stars. Tellement bien être une pop star. On gagne beaucoup d'argent, en fait, sans trop travailler. Mais ils n'en prennent pas vraiment le chemin là, avec la musique qu'ils font actuellement, bien que ce qui se passe assez souvent dans le rock, ce qui s'est passé mille fois, c'est que les types commencent par faire quelque chose qui heurte complètement la sensibilité du moment pour qu'on fasse attention à eux, et puis peu à peu mettre de l'eau dans leur vin et finissent par devenir des institutions, hein, je pense en particulier à Frank Zappa. Pas ma guitare, du moins pas d'une manière tout à fait habituelle. Je sais ce que je veux obtenir et je l'obtiens. Chez moi, tout est comme ça. Je ne fais rien sur scène pour me singulariser. Je n'ai pas envie de me donner en spectacle. Ma musique n'est pas faite pour les clubs. Elle conviendrait beaucoup mieux à des salles de concert et à un public un peu plus évolué. Je suis certaine que dans 20 ans, ma musique se vendra à prix d'or. Lydia Lunch, chanteuse et guitariste de Teenage Jesus and Jerks. DNA, musique lourde et grasse comme une nappe de mazout. Ponctuée de cris gutturaux, désordonnés autour de rythmes binaires, tellement binaires qu'ils en sont indécents. Dernier groupe de l'album No New York, Mars. Avant tout, c'est le monde du rock. Je veux dire, même si ça peut paraître un peu bizarre, un peu tiré par les cheveux maintenant d'appeler ces musiques rock, mais il n'empêche que c'est le même milieu, c'est la même façon de travailler sur un disque, de le concevoir. Bon, je veux dire, une façon qui n'a rien de sophistiqué, qui n'a rien d'écrit, qui n'a rien de très structuré. Je veux dire, ça fonctionne de la même manière que le rock pour un public qui est le même, de toute façon, que le public du rock. Et c'est un public qui n'est pas du tout concerné par la musique contemporaine ou par ce qui s'est fait en musique électronique depuis 20 ans. Je veux dire, aucun de ces groupes n'en a jamais écouté. Et quand on a un synthétiseur, bon, bah, on tourne les boutons et puis on voit ce qui se passe. Donc, je veux dire, c'est purement empirique comme démarche. C'est vraiment dès qu'il y a un son qui leur plaise, hop, paf, enregistrer. C'est toujours plus ou moins des musiques de collage, quoi. Mais ça, c'est effectivement la musique électroacoustique a toujours fonctionné comme ça. Donc, mais ça communique pas. Les Residents, Laughing Song, chanson pour rire. Un œuf plein d'huile, avec une jambe de bois rouge, pensait qu'une porc-épic était sa fille. Mais il découvrit bientôt qu'elle avait la goutte et qu'elle devenait souvent un sous-marin clignotant. Une rouge rose rouge vit une grosse pose rose sur le coin d'un dollar d'argent. La fin de sa queue était un long clou nu. À la place de sa figure était un écolier. Les Residents. Musique fraîche, printanière, légère. Les Residents, ils existent depuis 4-5 ans maintenant, peut-être même plus que ça. Je veux dire, c'est des gens qui travaillaient dans leur coin avant qu'on ait, non seulement avant qu'on ait parlé d'afterpunk, mais vraiment avant qu'on ait parlé de punk tout court. Il se trouve qu'aujourd'hui, on les amalgame avec ce qui se passe, s'il y a des phénomènes étranges comme ça. On ne sait pas qui c'est d'ailleurs les Residents. Ils n'ont jamais divulgué leur nom. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Sur les pochettes, ils ont toujours des cagoules, des masques épouvantables. On pense que ça doit être des gens qui travaillent dans le cinéma du côté d'Hollywood, de Los Angeles, des décorateurs, des scénaristes de cinéma qui sont installés à un studio et qui ont fait des choses épouvantables comme ça. Uniquement pour s'amuser, qu'ils l'ont sorti par leurs propres moyens. Et puis voilà, puis ils faisaient ça depuis des années, et puis personne n'en parlait, parce qu'il faut dire que c'est quand même une musique qui n'est pas très facile à écouter. C'est pas vraiment ce qu'on écoute comme ça en fond sonore quand on reçoit des amis. Ou alors si, c'est bien quand on veut faire fuir des amis, quand il y a des gens un petit peu trop encombrants, on met les Residents très fort. En général, la soirée se termine assez vite. Exaggerator wants your claim to fame. Ken important avec les Residents, c'est il y a eu des choses surtout qui sont extra musicales. À mon avis, sont des gens très très malins, puisqu'ils ont réussi à attirer l'attention sur eux par une promotion assez intensive, qui fait que avant même d'avoir écouté la musique, les gens en avaient entendu parler. Gérard Nguyen. Parce que la promotion était faite sur des personnages qui étaient masqués, ce qui est toujours assez intrigant, ce qui en même temps change un peu de ce qui se passe habituellement dans la rock music, où finalement on essaye de trouver des pop stars, c'est-à-dire des visages un peu à adorer, à montrer en couleur, etc. Et là, finalement, c'était des gens qui refusaient le jeu. Directeur de la revue Athènes. Ce qui permettait de se lancer dans toutes les suppositions possibles, ce qu'il cultivait d'ailleurs, en sortant un premier disque qui s'appelait Meet the Residents, qui était une parodie de Meet the Beatles. Ce qui fait que beaucoup de gens ont pensé que c'était les Beatles. Et eux ont continué à faire un peu alimenter ce genre de ragot. Mais musicalement, je pense que c'est un groupe très fort, mais c'est ça fait essentiellement partie de cette branche de groupes qui sont surtout des groupes de studio. Maintenant, ils ont donné 2 concerts en 5 ans. Je ne sais pas ce que ça peut donner vraiment. Peut-être qu'on peut avoir des doutes, mais en tout cas, c'est vraiment des gens qui utilisent le studio comme un élément de la création. Et je crois que c'est ce qui est vraiment important. Alors, dans la musique des Residents, il y a tout un brassage de musique. On peut penser qu'il y a certains passages qui ressemblent à ce que fait Philip Glass, certains passages qui ressemblent à ce qu'ont fait des gens comme Faust ou bien Eno même. Mais c'est fait de telle manière qu'en fait, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'écoutes, on pense que c'est les Residents. Je crois que c'est là qu'ils sont vraiment forts. Les Residents, pour moi, c'est le gag du siècle. Ça m'amuse en tant que tel. C'est-à-dire, rien me réjouit plus que de penser que plein de gens ont dépensé 30 sacs pour avoir l'intégrale des Résidents et que dessus, la seule chose qu'ils m'entendent, c'est bip bip et coin coin. Ils trouvent grand bien leur face. Patrick Hudlin, le dernier des rockants non mutants. Women want to see the Southern Cross at night, and so they set aside a sock and tie their laces tight. Yes, mournful is the melody that echoes in their heads. Without a beat, they march along, believing Bach is dead. Bach is dead. Bach est mort. Si on veut des précurseurs, le fait est que tout ce qu'ils faisaient et qui semblait n'avoir aucun sens à l'époque, on prend un aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un peu. À la fois, c'est une sorte de recherche un peu tous azimuts. C'est-à-dire que quand on est dans un studio, on essaye de faire les choses les plus bizarres, les plus curieuses qu'on puisse faire dans un studio. C'est-à-dire vraiment triturer les appareils dans tous les sens pour obtenir les sons qu'on n'a pas entendus avant. Donc ça, c'est une démarche qui recommence aujourd'hui à avoir une certaine audience, qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Parce que, je veux dire, il y a eu un rejet de toute musique un peu avant-garde, même au temps du punk, je veux dire, il fallait que les choses soient simples. Et maintenant, les gens sont prêts de nouveau à entendre des choses qui les sortent de l'ordinaire, des choses un peu expérimentales, à agresser sauvagement Satisfaction comme ils l'ont fait là. Je veux dire, une bête ne l'aurait pas fait. Mais je crois que s'ils n'existaient pas, il faudrait vraiment les inventer parce qu'il n'y a personne qui était aussi loin dans l'inaudible. Devo, c'est des jeunes gens d'une ville, Akron, une ville du Midwest américain, une ville extrêmement morne, à vrai dire, et des jeunes qui étaient à l'université, qui faisaient ça chez eux, dans leur studio. Je crois que c'est un élément important dans toute cette musique, c'est que c'est assez souvent des choses que les gens commencent par faire chez soi, à la limite dans sa cuisine. N'importe qui avec un mini cassette et quelques casseroles peut commencer à faire des choses. Et beaucoup de musiques sont nées comme ça, c'est-à-dire que c'est à force d'expérimenter des sons bizarres et uniquement pour soi. C'est important parce que je veux dire si tout de suite on veut monter sur scène, si on veut essayer de gagner de l'argent, bon, c'est évident qu'on ne peut pas se permettre le genre d'audace qu'on peut avoir quand on vit chez ses parents et qu'on fait ça pour soi. Donc Devo, c'était vraiment leur cas. Pendant 3 ans, 4 ans, ils ont vraiment travaillé sur leur magnétophone en faisant des bruits bizarres, jusqu'au jour où ils se sont dit que bon, bah, maintenant ça suffisait. Il s'agissait d'en faire une carrière. Et alors là, ils ont été très malins parce que ils ont une philosophie. Ils ont décidé qu'ils allaient avoir une philosophie. Alors ils ont expliqué à tout le monde une philosophie extrêmement compliquée et complètement bidon, parce que je veux dire, bon, ils y croient pas. Leur philosophie, c'est la dévolution, ça a donné leur nom, Devo. La dévolution, c'est-à-dire que bon, tout évolue à l'envers, c'est-à-dire qu'on est arrivé au point où, selon les lois maintenant de la thermodynamique, d'une part le monde doit retourner au chaos, et d'autre part les individus doivent retourner à une espèce d'état infantile et plus ou moins mongoloïde. À part ça, Devo, ça me réjouit de savoir qu'ils passent en Amérique dans les Muppet Show et qu'ils animent les mercredis enfantins pour les gosses. En disant « Ah, we're not men, we're Devo, bonjour les enfants bon. !» Alors qu'en France, ils sont considérés comme les héritiers spirituels de Antonin Artaud et de Marcel Duchamp. Tout va bien. Des masques de bébés, ils s'habillent en combinaison complètement ridicule. Ça c'est très fort aussi chez Devo, c'est-à-dire qu'ils ont des costumes et tout. Ils sont à la fois ridicules et en même temps inquiétants. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas le costume paillettes showbiz d'un groupe qui essaierait de faire le malin, puisque je veux dire, c'est tellement risible, leur espèce de petite culotte satinée, ou alors leur culotte de baseball et tout, que bon, on est complètement désarmé en voyant ça. On peut rien faire, tout le monde est complètement pris de court. Les divos portent aussi de larges combinaisons sanitaires, jaune vif, assorties de lunettes de protection. Il s'agit d'une équipe de nettoyage industriel chargée de faire place nette avant l'arrivée des années 80. Musique industrielle pour mission industrielle. L'atmosphère des veaux, l'univers autour de Devo, c'est bien sûr c'est les machines, c'est les robots. Bon, ils ont un petit côté robot sur scène avec des mouvements saccadés. Donc c'est tout un côté un peu science-fiction, mais science-fiction au rabais, enfin science-fiction de mauvais feuilleton. C'est pas toujours ce côté un peu bon marché qui est série B. Donc tout ça a fait que maintenant, avec des machines extraordinairement sophistiquées, ils font une musique qui finalement, au moins dans ses ambitions, a pour but d'être extrêmement bête, je veux dire extrêmement simpliste et presque comme il y a un petit côté comptine, enfantine dans ce qu'ils font. Et en même temps, c'est un déballage de machinerie assez impressionnant. Alors, tout ce qui suit Devo, c'est un petit peu ça aussi. C'est des machines très sophistiquées et en même temps, pour faire une musique qui n'est pas du tout sophistiquée. C'est-à-dire que c'est pas comme comme les groupes allemands il y a quelques années, ce qu'on appelait la musique planante, qui faisaient des choses extrêmement bien léchées, en essayant de trouver des sons superbes, d'être très très bien enregistrés, très jolis. Toute cette musique-là, au contraire, est très bâclée volontairement. Enfin, c'est enregistré chez soi, souvent dans sa cuisine. Et puis, on recherche plutôt sur les synthétiseurs des sons un peu sales, des sons assez agressifs, des choses pas trop structurées, des espèces de bribes de phrases qu'on répète tout le temps pendant un morceau. Enfin, c'est tout. Là, c'est une idéologie qui est très punk, d'ailleurs, qui vient en droite ligne de rock punk. C'est tout ce qu'on appelait à l'époque les garage bands, c'est-à-dire les groupes de garage, les groupes qui répètent dans leur garage pour faire un truc qui surtout pas trop sophistiqué. Ben là, maintenant, on a les groupes de garage électroniques, c'est-à-dire qu'ils font aussi quelque chose de très sale, sauf que c'est avec des instruments très sophistiqués, comme des synthétiseurs, des magnétophones, des choses comme ça. Robin Gristle, cartilage palpitant, Zyklon B Zombie. Le groupe le plus extrémiste, 100% industriel. Leur slogan est Industrial Music for Industrial People. Du bruit pour réveiller les cerveaux endormis. Robin Gristle combat la société avec ses propres armes. Ne vous y trompez surtout pas, ou alors Andreas Bader est mort pour rien. Cabaret Voltaire, Bader-Meinhof. Nach seiner Auffassung seien die Selbstmorde von Bader, Rastor und Enslin jedoch nicht zu verhindern gewesen. Er erinnerte daran, dass nach dem Selbstmord von Ulrike Meinhof auf Anordnung des Anstaltsarztes Gut und Enslin besonders überwacht wurde. Um eine zusätzliche Gefährdung zu vermeiden, sei diese Maßnahme dort wieder eingeführt worden, als die Gefangenen gegenüber einer Vollzugsbeamtin beschuldigt wurden. Ulrike Meinhof, Anwalt Börse. disque, on lit « Pour l'écoute, utilisez un casque protecteur ». Attention, les mutants de Chrome sont là pour vous dévorer. Ils ont une télévision à la place des yeux. TV as eyes. Machine music. L'après-punk, c'est d'abord le punk réactivé. La dernière bonne conscience, Siouxsie and the Banshees. Rock vénéneux, figure fétichiste pour vitrine victorienne. L'Helter Skelter de Lennon McCartney, revisité. Stop! Public Image Limited, nouveau groupe de Johnny Rotten Lydon, ancien leader des Sex Pistols. Image du nouveau spleen anglais, l'image publique, l'image de marque que vous m'avez créée, je vous la recrache. After quoi ? After punk. New wave. Nouvelle vague. Appellation anglaise contrôlée. C'est le contre-pied du rock punk, ça, il n'y a pas de problème, à tous les points de vue. Et ce qui est marrant, c'est que c'est apparu en même temps, en fait. C'est-à-dire que le premier disque de Talking Heads s'appelle 1977. Mmh. 77, c'est supposé être l'année punk par excellence. Or, théorème numéro 1, l'after-punk, l'après-punk coexistait déjà avec le punk, peut-être même a précédé le punk, ce qui évidemment n'est pas chronologiquement un peu bizarre, mais enfin, il y a quand même un petit côté, un petit grain de folie quelque part. Donc en cela, ils appartiennent quand même bien à toutes les vagues qui se sont succédées depuis 76, quoi. C'est pas tout... Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il y a les vocaux qui sont un peu bizarres, il y a des effets... curieux dans les arrangements. Enfin, c'est pas des gens tout à fait normaux. Ils ont l'air normaux comme ça, mais quand on écoute bien, ils sont pas tout à fait normaux. Glissement progressif de l'élégance vers la complexité torturée. Peau non pourrie, en opposition aux musiques en décomposition, démontage, recollage, cyclique. What is it? What is it? What is it? Oh! We'll be right back. Pour un concert, Throbbing Gristle s'enferme dans une pièce et les spectateurs ne peuvent les voir et les entendre que par des appareils vidéo, la musique étant retransmise directement dans la rue. Pour la musaque, pour la circulation. Throbbing Gristle est un projecteur violent, braqué sur les médias, accusé de banaliser l'horreur en l'exposant constamment. Throbbing Gristle pratique une metal machine music morbide et éducative. Throbbing Gristle apprécie les zones suburbaines désolées, l'alignement amnésique des réverbères, la sexualité tiède, la musaque et les supermarchés. Ubu, voyage sentimental à base de verres concassés, délire infernal de pyromane, voix de l'au-delà, une craie qui dérape sur le tableau noir. Pump, pump. So, around and around, and around and around, and around. Wait. It's home, it's a rug, it's a home, it's a rug, it's a window on a yes, yes. Up, up, I'll go home, I'll go home. It's home, it's home. Normal, c'est peut-être le plus caractéristique de tout ça. C'est un Anglais, il travaillait à la BBC avant de faire ça. C'est vraiment, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple en fait comme idée. Il y a juste une idée, il y a une phrase, TV OD, overdose de télévision. Moi, je n'ai même pas besoin d'allumer ma télévision, je me plante le câble dans la veine et les images me coulent. Donc il y a une idée, elle est répétée tout le temps, il y a un thème, un rythme, clac, c'est simple. Il a sorti ça tout seul, à ses frais, et il en a vendu énormément. Ça c'est pratiquement jamais passé en radio et tout, mais ça a trouvé tout de suite un répondant dans un public qui peut-être avait été sensibilisé par des choses comme Devo. Enfin, toujours est-il qu'il a vendu, je crois, 15 000 ou 20 000 exemplaires de son petit TV Audi qu'il avait dû enregistrer en 2 heures dans sa salle de bain, ce qui, je trouve, est pas mal. Red Crayola. Next minute, trace a little lie. Brothers and consume the moon goes in the logo where we need them. En fait, tous ces groupes font avant tout du 45 tours pour l'instant. Et ça, c'est une chose aussi qu'ils ont hérité des deux années punk. C'est-à-dire qu'avant le 45 tours, c'était... Et ça reste en France, d'ailleurs, toujours dans l'esprit des gens. Le 45 tours, c'est le tube, c'est la chose un peu variété. Quand un groupe, même un peu ambitieux, sort un 45 tours, c'est toujours quelque chose de plus accessible, de plus commercial que ce qu'il fait habituellement. Alors que là, l'optique a complètement changé depuis les punks. C'est-à-dire qu'on sort des 45 tours aussi expérimentaux que possible. Vu et écouté l'abondance des 45 tours sortis ces derniers mois, en veux-tu ? En voilà un collage comme échantillon pour mémoire. Thank you. Le groupe anglais Wire, Fil de fer, a sorti 2,30 cm avec en moyenne 20 morceaux par disque, durée 1 à 2 minutes, un disque qui n'en finit pas de finir. After Punk, nouveau son, son nouveau, avec la collaboration de Corinne, Sylvie, Philippe pour les scoops musicaux punk, Patrick Edlin, Paul Alessandrini, Gérard Nguyen, Jean-Pierre Lantin, Catherine Lagarde, Mehdi Eladj. Thank you.